bonjour à vous et bienvenue dans ce 25e épisode de Flux ERSS. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'est guère réjouissant, mais bon, il faut probablement s'y consacrer. Et de toute façon, si moi je ne m'y consacre pas, d'autres s'y consacreront. Et d'ailleurs, le coup de bambou finira probablement par tomber avec la vitesse à laquelle vont les choses. Mais de cela, nous allons en traiter tout de suite après. USSR. Pour recontextualiser un tout petit peu, on va dire qu'en août 2021, on avait des petits visiteurs dans le jardin de chez mes parents. Alors ce n'étaient pas des visiteurs d'une autre galaxie, bien évidemment. Nous ne sommes pas... Déjà, je ne vis pas en Amérique, donc ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne trouvent pas la route, forcément. Ils n'arrivent qu'aux États-Unis, malheureusement. Ou bien heureusement, je ne sais pas. Chez mes parents, on avait une petite colonie de hérissons, et il y en avait un qui sortait un petit peu... plus milieu que fin d'après-midi, d'ailleurs, ce qui est déjà tout de même étonnant, parce que c'est des animaux plutôt nocturnes, voilà, c'est un petit peu bizarre, et puis je le trouvais un tout petit peu maigrichon, avec quelques mouches autour, donc, à force, moi j'ai pas pu l'attraper, parce que moi je ne suis chez mes parents qu'à peu près que les week-ends, et encore pas tous les week-ends, hein, ça dépend si je vais faire la nouba ou pas, mais je sais qu'en tout cas, ma mère et ma sœur ont pu le mettre de côté pour essayer un petit peu de le nourrir et qui se requinque, on va dire, pour utiliser un mot un petit peu du sud. Ce qui s'est passé, c'est que ils s'en sont occupés un petit peu et le pauvre malheureux est décédé 2-3 jours après qu'on l'ait un petit peu aidé à essayer de se requinquer. Voilà, ma fille est décédée là-haut, enfin, on essaie de le requinquer, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on lui a donné à manger, s'il était déjà un peu faible, parce que, comme je disais, un hérisson, déjà, qui sort fin d'après-midi, à part qu'il soit vraiment gros, que ce soit un petit peu vers l'arrivée de l'automne, à la rigueur, il faut vraiment que ce soit un hérisson quand même assez costaud, quoi. C'est à peu près 600 grammes, là, on en était loin, on en était un peu moins de être autour des 200 grammes, donc c'est pas gigantesque, quoi. Et voilà, donc, probablement qu'il avait quelque chose, et que ce pauvre petit hérisson est décédé. Et... ça m'a fait un sacré coup quand même. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas son hommage, hein, c'est pas grand chose, hein, tout de même. Je me suis dit, tiens, je vais pas me renseigner un petit peu sur ces petits animaux qui peuplent notre beau pays. Et je commence à avoir des documentaires, tout ça, bien évidemment, etc. Alors je suis tombé sur des documentaires sur les hérissons, qui étaient bien faits, mais qui font pas péter la forme, parce que c'est des populations en déclin. C'est à peu près le titre de l'émission, c'est ce qui est marqué dessus, hein, on va pas se cacher aujourd'hui. Et après j'ai regardé, et j'ai eu un peu de mal au début à comprendre où ils voulaient en venir, c'était sur le grand hamster qu'on trouve en Alsace. Donc en Alsace, ils ont des hamsters qui font à peu près 50 cm, donc du bel hamster. Et cet hamster-là, pardon, il a la particularité d'être légèrement énervé, c'est-à-dire là où le hamster plus classique, hein, le hamster russe, enfin, le hamster Adi en Iran, les plus petits, généralement, c'est la fuite, celui-là, lui, c'est l'attaque qu'il décide de prendre. Et c'est vrai qu'il a un fonctionnement, du coup, assez différent. Et à un moment, ils expliquent que dans le cycle de vie du hamster, il vivait pas en lisière de forêt, mais lisière de forêt, champ de blé, et puis qu'un jour, tout a été rasé pour faire un champ de maïs. Là, je me dis, je pense qu'on va arriver à quelque chose d'un peu plus révélateur. Et selon certaines études, les hamsters qui se nourrissent exclusivement de maïs, parce qu'en fait ils n'ont pas un territoire qui est énorme, hein, c'est pas des gens à vadrouiller en fait, et bien en fait ces grands hamsters, à force de manger du maïs, ils arrivent à en avoir des carences. C'est des carences en vitamine B3, ce qui c'est une maladie qui est déclenchée par ce déficit. Et c'est une maladie qu'on peut déclencher chez l'homme aussi. Et d'ailleurs, chez l'homme, je vais vous dire ce que ça provoque. Vous allez un petit peu tousser, probablement. Ça génère un taux plus élevé d'homicides, de suicides et de cannibalisme. Et en fait, c'était ça le cœur du problème. En fait, c'était que les femelles, prises par des accès de démence, en fait, se mettaient à dévorer leurs petits. Et il y avait un taux de cannibalisme de 100%. C'est-à-dire que les femelles dévoraient complètement leur portée. Ce qui m'a bien évidemment un petit peu excessivement choqué, alors pas à l'acte, hein, forcément, mais plutôt ce qui en entourait, forcément, de savoir que ces pauvres animaux, par notre conduite à nous, hein, se mettaient à tourne-boule, pour pas dire autre chose. À côté de ça, je me suis dit, bon, c'est bien joli d'étayer une jolie émission avec quelques factualités, pourrait-on dire. J'ai essayé de vous en trouver quand même un petit peu d'autres. Vous verrez, les liens sont dans l'article qui suivra cet épisode, donc vous pouvez aller les regarder. C'est fort instructif, donc je vous recommande chaudement d'aller au moins les parcourir. Nous avons par exemple, c'est pour la Ligue de protection des oiseaux qui nous informait que sur 123 espèces communes qu'on trouve en France et qui étaient suivies, or c'est à peu près au global, il y en avait 43 qui étaient en récession sur la période 2001-2019. Il y a des espèces qui, là-dedans, on retrouve l'ortolan ou le moineau friqué, donc qui n'a rien à voir avec un milliardaire, bien évidemment. On trouve aussi 32 espèces qui, elles, sont en expansion, par contre, mais généralement, ce sont ce qu'ils appellent des espèces généralistes, donc à savoir le pigeon, grosso modo, et tout cela se fait au détriment des espèces plus spécifiques. Et pour un certain nombre de populations, c'est soit stable, soit l'effectif est trop faible pour en dégager une tendance significative. Et le commentaire est que qu'on a une uniformisation de la faune sauvage, et c'est un signe d'une banalisation croissante des habitats et d'une perte de biodiversité. Chez les insectes aussi, c'est le même topo. Hein. C'est dans la période donc de 2013 à 2018, quasiment aucune tendance positive n'est observée chez les insectes évalués. Sur 35% seulement des évaluations effectuées sur 40 espèces concluent à un état de conservation favorable. 56% concluent à un état défavorable et 11% est inconnu. C'est le même principe, on ne doit pas avoir assez de population pour pouvoir en dire quoi que ce soit. Les libellules sont dans un état un peu meilleur, c'est 44% d'état favorable par rapport aux papillons ou aux coléoptères. Derrière, on notera aussi que c'est un constat qui n'est pas nouveau. On estime à peu près que chaque année, sur la planète, il y a de 1 à 2% des insectes qui disparaissent. Et c'est pas parce qu'ils se font becter par des oiseaux, bien évidemment, parce que cela a aussi une conséquence sur les populations d'oiseaux, parce que quand ils n'ont plus rien à becter, eh bien, ils vont pas à l'hypermarché. On notera aussi qu'un quart des espèces évaluées, c'est pareil, vous retrouverez le lien dans cet article, sur le territoire national sont en risque de disparition. Et généralement, ce qui résiste le mieux, ce sont quelques espèces comme les oiseaux généralistes, le pigeon et le corbeau, voilà, encore une fois, et les grands prédateurs, donc à savoir, je pense, à être le blaireau des animaux comme ça. Et je dis d'ailleurs le mot blaireau sans aucun jeu de mots, il n'y a pas de sous-entendu derrière. Là. Plus tard, il y en aura peut-être, mais là, il n'y en a pas. Je note aussi, ça sera le dernier élément avant de passer à une analyse un peu plus philosophique, en fait, vraiment ma réflexion, c'est que, sur 13 millions de chats possédés en France, les dégâts sur les pies, mésanges et autres oiseaux seraient estimés à environ 75 millions de décès sur ces populations d'oiseaux. Donc c'est-à-dire qu'en plus de plusieurs autres facteurs, le facteur des chats que nous possédons, ils sont mignons, ils sont jolis, mais voilà, ils tuent un petit peu, et un chat domestique en liberté tue environ de 5 à 10 oiseaux par an, à peu près. Maintenant que nous avons parlé de tout cela, je vais vous étaler mon argumentaire, qui est un argumentaire, somme toute assez banal, mais bon, j'aime bien vous l'exposer, parce que sinon, c'est le but de cette émission. Ce que je constate, en tout cas, c'est qu'on a un monde qui se détricote sous nos yeux. Alors certains diront, oui, c'est pas forcément la faute de l'être humain, mais ça j'y reviendrai probablement un tout petit peu plus tard dans cette émission, mais pas vraiment sous l'aspect... De toute façon, c'est pas un aspect que moi je peux vous chiffrer comme ça de but en blanc, en vous disant, oui c'est ça, oui c'est ça, oui c'est ça, oui c'est ça. Il y a des scientifiques qui travaillent dessus, ils se posent énormément de questions. Il y a beaucoup de, par exemple, de préoccupations sur ce qui est les néonicotinoïdes, qui sont des pesticides et qui tuent un certain nombre d'insectes, qui par ricochet tue aussi, affame un certain nombre d'oiseaux qui ne peuvent plus se nourrir, tout simplement. Et donc on a une fuite en cascade de toute la pyramide, en fait, tout simplement. Ce que je note aussi, c'est qu'avec la disparition de ce monde, c'est aussi une disparition de moi, ce que j'appelle la poésie. Alors dit comme ça, peut-être que certains ne comprendront pas, mais pour moi, il y a dans toutes ces petites strates de la vie, ce qui n'est pas de la vie, hein, dans ces paysages, même si les arbres aussi, ça en fait partie quand même, mais dans tout ce qui est les paysages, tout ça, pour moi, il y a une grande part de la poésie de la vie qui se cache là, dans tous ces petits interstices-là. Ben, c'est des espaces qu'on détruit, hein, parce qu'on fait de la monoculture, on bétonne, c'est des espaces qu'on fait disparaître, et avec eux, forcément, on fait disparaître une biodiversité que, par certains aspects, fut un temps aussi, on avait encouragé en faisant des clairières, en faisant des bosquets, en faisant des petits bois aussi, on a favorisé à certaines espèces, à un certain moment, pardon, d'autres espèces, Mais là, visiblement, ouais, on est quand même, on va revenir après, mais voilà, on est quand même allé assez loin. Et c'est vraiment cette poésie-là aussi, elle est consécutive du fait que, alors c'est un petit peu une version un peu chamarrée, hein. Ça fait joli, mais moi j'ai aussi l'impression que comme l'homme n'est pas le géniteur de tout ça, là, enfin pas de la destruction, bien, je parle vraiment de la il n'est pas géniteur de toutes ces espèces, il n'est pas géniteur de tous ces paysages, même s'il a beaucoup influencé ces paysages, comme je viens de le lire un petit peu avant, avec les bosquets, tout ça. Bon, ça voilà. Moi j'ai l'impression que vraiment c'est une poésie qu'on détruit. Alors, c'est vrai que je préférais mettre cet argument-là un petit peu assez rapidement, parce que pour moi, ça n'a pas l'air comme ça, mais pour moi c'est très important. Toute cette poésie, c'est quelque chose de non marchand, en fait, c'est quelque chose qui alimente l'esprit, c'est quelque chose qui lui donne, qui vraiment c'est de la nourriture spirituelle et intellectuelle, la poésie, mais vraiment spirituelle dans le sens très noble du terme. Et c'est vrai que moi je suis excessivement peiné de voir tout cela disparaître, parce que c'est un petit peu, qu'est-ce qui restera dans la vie? Le travail, quoi, mais la consommation, voilà, un petit peu. J'ai aussi noté par rapport à cela une petite remarque, j'ai noté que c'est une vie, la vie lors de ce petit hérisson qui est décédé par exemple, pour étayer le propos, c'est une vie qui avait un autre sens que celle de se sentir utile ou d'être utile. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le temps économique du travail. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'aliénation au travail aussi, parce que en fait, le temps est subordonné carrément. C'est vraiment devenu le temps est vraiment devenu de l'argent. Très très. C'est vraiment d'égal à égal, c'est vraiment la conséquence d'un à l'autre, quoi. C'est vraiment c'est plus une expression pour dire que le temps c'est de l'argent, c'est-à-dire que tu pourrais que. Enfin, comment dire? Une idée un peu philosophique. Non, hein, le temps est vraiment de l'argent, quoi. Et d'ailleurs, même l'inverse est un petit peu moins réciproque, mais voilà, dans l'autre sens. Et ce qu'on voit des fois dans la vie, des fois on se pose des questions, c'est que pourquoi la vie est toujours. Pourquoi déjà aussi il y a des gens qui naissent avec des handicaps? Pourquoi des gens qui naissent avec des différences? Pourquoi il y a des gens qui naissent. On pourrait se dire, mais sinon, on a, c'est un petit peu le but du transhumanisme aussi, quelque part, c'est un petit peu de régenter la vie pour essayer de la normaliser, pour essayer que, oui, il ne faut plus qu'il y ait de gens malades, il faut plus qu'il y ait. Alors, je dis pas qu'être malade, c'est bien, hein, je vais pas vous faire le chantre de tout ça, mais on voit que dans la vie, il y a des aléas, voilà, tout simplement, et que la vie n'a pas de proportion à vouloir s'intellectualiser par elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fonction à être utile. Et elle n'a pas non plus de fonction démonstrative. C'est-à-dire que la vie, elle va pas venir en te disant « Attention, je pense que ces gens-là, je pense qu'ils ne respectent pas assez les personnes en situation de handicap ou les homosexuels, donc je vais leur envoyer des gens en situation de handicap ou des homosexuels pour leur faire comprendre la morale. » Non, la vie, elle fait son petit chemin de par elle-même, et puis de temps en temps, nous sommes des fragments de cette vie-là, et voilà, tout simplement, il ne faut pas vouloir intellectualiser plus que ça la vie, en fait. C'est un chemin foutraque entre tout ça. Mais bon, vous comprenez, si la vie, elle est pas très utile, déjà, si la vie n'a pas vocation à être utile, elle n'a pas vocation à être à lui donner son plein rendement, eh ben, on fait la gueule. Parce que justement, c'est ça qui se passe dans les champs, dans les partout, dans tous les milieux du travail, c'est ça. On est sur la course au rendement, on est sur la course au productivisme, et la course à la rentabilité. Alors probablement que certains diront que c'est oui, mais c'est un tout petit peu autrement chez eux, ou je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, c'est quand même ceux qui mènent la danse, hein, dans la plus grande partie des cas. Par exemple, pour l'agriculture, pour augmenter les rendements, pour tout augmenter, pour augmenter la productivité, la rentabilité, bon, c'est encore, ça reste discutable, mais bon, au moins pour améliorer les rendements et la productivité, on y allait à coups d'engrais, à coups de pesticides, pour justement que les choses aillent le mieux possible, sans avoir le moins de main-d'œuvre à faire, pour avoir plus d'hectares à gérer, etc., etc. Ce qui a fait d'ailleurs que les exploitations se sont mangées les unes les autres, et maintenant qu'on a, fut un temps, il y avait des tonnes d'agriculteurs, et maintenant on a un agriculteur pour je ne sais combien d'hectares. Eh bien, aujourd'hui, on en est arrivé qu'avec l'explosion du prix des matières premières, par exemple, le prix des engrais est monté et est devenu plus élevé. Donc, ça rogne forcément la rentabilité des agriculteurs. Déjà, qu'une rentabilité qui est pas globe sur 20, pour certaines. Et forcément, on en est arrivé un petit peu pas au bout, mais on sent que ce productivisme, il est alimenté aussi parce que les engrais étaient pas chers, entre guillemets, et le jour où il n'y en a plus, comment on va faire? C'est un peu ça. Et c'est d'ailleurs, je reviendrai encore sur cet aspect un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, c'est que la vie, un petit peu, elle est un petit peu subordonnée à nous. C'est vrai que si par exemple, je reviens au hérisson, c'est quand on se rappelle, alors, c'est ça que je trouve un peu fâcheux, c'est-à-dire que le hérisson a une utilité dans la nature et on le ramène trop souvent à ça. Et c'est pareil pour tout d'ailleurs, et c'est ça que je trouve excessivement dommageable, c'est-à-dire que pour certains, le hérisson ne sert strictement à rien, donc qui vivent ou qui meurent, bon, bah, tant pis, hein, ça change rien. Et pour certains, c'est même devenu un effort, par exemple, dire oui, mais regardez, il mange des limaces dans les jardins, il mange les coléoptères, il mange. Voilà, en fait, il évite d'avoir à utiliser des pesticides dans votre jardin, par exemple. Ben, je trouve ça un petit peu ridicule, quoi, quelque part aussi. Parce que à vouloir tout régenter dans la nature, à vouloir chercher de l'utilité à tout, moi je trouve que justement, alors c'est bien d'apprendre, savoir comment fonctionnent les choses, mais je trouve que justement, voilà, on fait sauter cette part de poésie, cette part de, pas de mystère, mais cette part de, bah, dans la vie, on contrôle pas tout. On ne peut pas tout régenter. Et moi, je trouve qu'il y a des belles parts de poésie là-dedans. Et je trouve ça très dommage, à chaque fois, de chercher l'utilitarisme de tout pour tout. Et on en arrive à des absurdités, où on en arrive maintenant à de la standardisation à fond. Je vous parle pas des vaches, les vaches à lait, c'est Primostein et à peu près que ça. Et de temps en temps, oh regardez, des espèces anciennes! On fait un petit documentaire dessus avec un peu une grosse voile qui fait oh, c'est une belle espèce ancienne, mais elle fait moins de lait. Ouais, oui, bah, voilà, ça, c'est pas pareil, tout simplement. Et forcément, à force de standardiser, on uniformise le vivant, on régente. Et bon, voilà, bon, je trouve ça, voilà, excessivement dommage. Et là, après, bah, on en arrive à un autre problème, c'est que, alors je sais pas si vous, je pense que si vous écoutez cette émission, vous êtes probablement un petit peu plus ouvert que certaines personnes. Et quand je dis certaines personnes, je parle à beaucoup de personnes, malheureusement. C'est quand on vient pointer les faiblesses d'un système qui fonctionne. Et là, actuellement, ça marche. Hein, on ne peut pas dire que le système, demain, il va s'écrouler pour un oui ou pour un non. C'est possible. Il y a quand même, quand je vous parle de l'agriculture, c'est quand même assez compliqué que du jour au lendemain, ça se casse vraiment la gueule. Eh bien, en fait, quand on vient pointer ça, on vient de nous rappeler le fameux credo, il n'y a pas d'alternative. En fait, c'est comme si on était un petit peu arrivé à la fin de l'histoire, et il ne pouvait se passer rien d'autre, en fait. Et donc, moi, je constate, et ça, c'est une constante universelle, hein, je ne vais pas vous faire passer des études, mais les gens sont toujours plutôt réfractaires au changement. Ça, c'est un fait. Moi, à l'époque, j'avais bataillé avec les copains, les camarades plutôt, j'ai envie de dire, c'est plus joli, les camarades en licence pro, quand je leur disais, non, les gens sont réfractaires au changement. Ils me disaient, mais non, mais t'es, tu comprends rien. Et puis, un prof, une fois, nous avait fait un cours en nous disant, la majorité des gens sont plutôt réfractaires au changement, parce que ça les effraie, parce que tout simplement, ben, c'est pas la même chose et que ils sont déjà sur leurs acquis et ça leur va très bien. Et là, on m'a regardé un petit peu comme oh, mais t'avais raison! Je fais, ben, c'est normal un petit peu d'avoir peur que les choses changent. C'est bien aussi, il faut changer, mais quand on change d'air juste pour aller en vacances, on sait que quand on part une semaine ou 15 jours, quand on revient logiquement à la maison, les choses n'ont pas changé. C'est pas du changement, ça, c'est juste en aire en fait, quoi. C'est débile. Ça veut rien dire. Donc, logiquement, les gens ont. Mais c'est pour ça que des fois, dans certains jeux, quand il y a des changements, quand on dit on va mettre ça à la place de ça, ça couine. Ben voilà. Et après, voilà, je vais pas vous ramener des études sous le nez pour vous dire, oui, regardez, tel chiffre de nanana. C'est quelque chose que moi j'ai plutôt constaté, qui a plutôt été vérifié par des études. Après, est-ce que c'est pas la cause de tout, hein, de toute façon. Mais on va dire que les gens, ils n'ont pas vraiment envie que le système il change déjà parce qu'ils y ont parce que d'une, ça marche, et qu'ils y croient. Ça aussi, c'est une forme de croyance. Et parce que aussi, il y a des intérêts à ce que le système reste comme il est, parce que bah, tu comprends, si ça change, bah, on risque de perdre des parts de marché, des choses comme ça. Et donc, on en arrive aux fameuses explications qui, moi, me. Ça, à la fois, ça me bidonne et ça m'atterre. Moi, quand j'entends le fameux oui, mais c'est toujours mieux que le communisme, ou oh, tu comprends les animaux, bon, ben, tu comprends, mais là, s'ils meurent, ben, c'est la faute à pas de bol, ils avaient qu'à évoluer un peu, tu comprends, c'est comme ça, donc bon, poète-poète camembert, gros ta gueule, et voilà. Ou par exemple, ben, ce que j'ai dit encore et j'ai dit tout à l'heure, bah, tu comprends, on vit bien, ou bah, pourquoi changer, on vit bien, ça sert à rien de s'alarmer, ou le fameux qui justifie tout aussi, bah, tu comprends, si je fais ça, bah, faut bien vivre, tu sais, faut bien payer les factures, faut bien faire bouillir la marmite, faut. Sinon, les gosses, ils pourront pas aller en vacances à Noël, et puis ils vont faire la gueule. Donc, voilà. Et donc, tout ça, c'est des freins à ce que, ben, justement, on fasse ce changement. Parce que là, c'est un changement. Moi, en tout cas, déjà, je peux spoiler la fin de cet épisode, ce changement, moi je ne m'y attends absolument plus. Là, je pense qu'on est arrivé trop loin, le temps qu'on fasse un rétrofreinage comme il faudrait le faire très judicieusement, mais c'est improbable, parce que les gens ne sont... moi le premier, je commence à faire pas mal de cheminement là-dessus, donc je vais peut-être pas m'inclure dans les premiers de cordée, hein, comme dirait notre cher Emmanuel Macron. Mais je crois que beaucoup de gens n'ont pas conscience des choses qu'il faudrait abandonner pour justement arriver à sauver le fameux climat du CO2, les fameuses ressources naturelles dont on parle fort peu d'ailleurs, ce qui me dérange énormément, ce fameux écosystème aussi qu'il faut protéger. Donc il y a quand même beaucoup de choses à protéger, mais il faudrait faire vraiment stopper tout direct, quasiment, et retourner à l'âge de pierre. Ouais, on n'est pas loin, quoi. Ce serait quand même un petit peu exagéré, ce serait retourné probablement au niveau de vie qu'on avait dans les années peut-être 60 ou 50, voilà. Donc il y a mieux, mais il y a quand même pire. Et tout ça s'appuie sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de lavage de lavage de cerveau. On n'est pas loin, hein, ça a presque fusionné avec notre ADN, moi j'aime bien dire des fois sur le ton de l'humour, parce que comme vous le savez très bien quand je parle de tout ça, moi je suis sûr que déjà certains... Alors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous êtes des gens un petit peu plus sensibles à certaines formes de causes. Et si vous écoutez cette émission, c'est quand même vous avez un chouïa envie que je remette un petit peu les choses en perspective et en question. Mais quand je parle de tout ça, moi, je peux même pas en parler avec certains gens, parce qu'ils me regardent avec des yeux éberlués. Et comme je l'ai si bien noté, et celle-là, je te la dédie, mon petit tocheux, parce que je suis sûr que tu dois penser un petit peu pareil quand tu dois parler de certaines choses, c'est que je suis sûr qu'il y a des gens qui me prennent pour un salopard de rabat-joie, un putain de pisse-vinaigre, et qui de toute façon, il comprend rien à rien. Alors de toute façon, c'est presque, quand je dis mes conneries, c'est t'as qu'à te casser, et puis tu nous fais chier avec tes conneries là, alors hein, tu dégages. Mais j'en suis sûr, je suis sûr que les gens, quand je parle de ça, et c'est pour ça que j'en parle pas tant que ça, parce que déjà c'est pas très fun, donc tu comprends bien que déjà pour aborder ça, faut quand même y arriver, et puis je préfère en discuter avec des gens quand même un petit peu, faire un vrai débat, quoi. Si c'est pour les mecs les attraper à froid, leur dire des trucs comme ça, les mecs ils vont me dire dégage, quoi. Et je comprendrais d'ailleurs. Et les mecs ils vont me dire putain, mais les mecs c'est un gros plouc, quoi. Mais alors que je ne suis pas un gros plouc, je suis peut-être mal habillé, mais je ne suis pas un gros plouc. Les mecs forcément ils vont pas être contents. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que on en arrive à deux formes de trucs. Déjà c'est que déjà tu remets le truc en question, déjà pas terrible. Et puis après, tu commences faut commencer à en arriver à en débattre. Et comme les gens, ils n'ont pas forcément envie de débattre, parce qu'on est arrivé dans le stade, c'est ce que j'ai appelé assez ironiquement le stade ultime du pouce caddie. C'est-à-dire que c'est l'individualisme à tout rompre. On consomme et on projette cette consommation un petit peu partout. Ce que j'ai mis, c'est on ne pense plus qu'à soi-même avec l'individualisme et du coup la société de consommation qui nous pousse aussi à consommer de par nous-mêmes. Hein. Ouais, c'est pas pour rien. Eh bien, on ne pense plus qu'à soi-même avec comme seul horizon que celui de nos propres passions tristes, tout en projetant nos névroses, parce que la névrose, justement, c'est on se sait malade, et c'est ça la névrose, en fait, c'est qu'on se sait malade, et on projette nos propres névroses sur chaque fragment de l'univers. Et c'est ça aussi qui est malheureux, c'est que quand je parle de ça, quand je vous fais mon top de tout à l'heure, c'est toujours mieux que le communisme, ça c'est typiquement, ça c'est la réponse de mec qui est libéral. Et direct, c'est ça, tu vois, et le mec, c'est ça, la vie, elle est comme ça, pour lui, et c'est pas autre chose. C'est la pensée libérale avec les gens, de toute façon, c'est ça, c'est marche ou crève, voilà, grosso modo. Et donc, il n'y a pas d'alternative. Et on pourrait se dire, je sais pas, c'est rigolo, dit comme ça, est-ce que t'as pas d'exemple peut-être un peu plus concret, mais moi, je me rappelle avoir eu fait des débats. Pouf, c'était même pas un débat, on me regardait un peu éberlué, et des fois, je me rappelle, fut un temps, je travaillais un petit peu dans le milieu agricole, et j'ai toujours été un peu iconoclaste. D'ailleurs, je suis resté iconoclaste. J'en fais pas une raison de vivre, mais bon, j'ai un petit peu compris que je l'étais. J'avais dit, moi, vous savez, je varie un peu ma bouffe, et puis si je mange pas un bistec tous les midis, c'est pas bien grave. Et puis même au contraire, je préfère en manger vraiment quand j'ai faim. Voilà, je préfère lui apporter de la valeur, parce que c'est quand même un pauvre animal qu'on a engraissé pendant des années, des mois et des années pour aller le zigouiller, donc on va dire que éthiquement, je sais pas que je le vivais mal, mais moi je m'étais dit, puis c'est pas comme si on avait autre chose à bouffer, quoi. C'est un peu ça aussi d'ailleurs, le but de la manœuvre, un petit peu de varier, mais pour de vrai. Mais quand j'avais dit ça, on m'a regardé avec des yeux, j'étais le zenzen de la bande, quoi. Je venais d'arriver oxolataire, quoi. Et moi ça m'avait, je me rappelle, ça m'avait choqué, et presque on m'avait... Presque répondu de façon un peu colérique, hein. C'était genre, oui, non, mais tu comprends pas, nous, on mange des steaks, mais si on mange pas des steaks, nous, nanana. Ouais, j'avais un peu compris que si on mange pas du. Encore, c'était une femme qui m'avait dit ça, hein. C'était. Faut pas croire que c'était un gros bonhomme. C'était une femme qui m'avait dit, ouais, nanana, c'était un petit peu, ouais, mais si on mange pas un steak, elle me dit, on est un peu des gros pédés, quoi, on est un peu des gros starlous, quoi. Moi, j'étais resté un peu interdit. J'aurais dit ça, j'ai fait, mais c'est incroyable. Et c'était déjà il y a peut-être 6-7 ans, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Et tout ça parce que j'avais eu l'outrecuidance de remettre les certitudes des gens en question. Tout simplement, je leur ai même pas dit. En plus, le pire, c'est que je me rappelle, je leur l'avoir dit, mais c'était genre, moi, ça me. Voilà, j'ai dit, bon, on n'est pas obligé de bouffer un steak tous les jours à midi non plus, ça va, quoi. Et non, mais j'avais vraiment remis leurs certitudes en question, j'avais remis leur mode de vie en question, ce qui est encore plus grave. Et là, c'était vraiment le crime de lèse-majesté. Je fais vraiment aller trop loin. Et c'est ça que je me rends compte quand j'essaie de parler de tous ces sujets-là. Alors, il y a le sujet, là, c'est de l'écologie simple, hein, enfin simple, tant mieux. Le sujet, je dois vous faire un sujet sur l'immobilier, je dois vous faire un sujet immobilier et finance, je dois vous faire d'autres sujets comme ça. Mais dès que j'en parle avec certaines personnes, mais c'est direct, je suis un plouc, je suis une grosse merde qui ne voit rien. Mon avis n'est. Pourtant, j'essaie toujours d'étayer mes avis. Alors certes, j'y mets du subjectif, hein, parce que mais ça reste des sujets politiques. Hein, parce que si vous voulez, on peut courir à l'infini jusqu'à la fin des temps, en usant tout notre pétrole et en voyant où c'est qu'on arrive. Hein, c'est une problématique aussi politique. Hein, on peut aller dans ce sens-là, mais c'est du politique. Mais dès que je remets ce genre de choses en question, mais je vois les gens ulcérés. Et ces gens, ils sont touchés dans leur chair profonde, quoi. Et pourtant, je dis pas des trucs très vénères, quoi. Mais c'est ça qui me choque, moi. Et pour dire, quand je vois ces réactions épidermiques, je pense qu'on va conclure l'épisode là-dessus, c'est ça qui me fait penser que ça va être excessif. Pour moi, c'est même impossible, mais j'ai une part de moi qui veut croire que c'est impossible, et j'ai une part qui se dit quand même, on va tenter le coup, c'est peut-être pour ça aussi que je fais cette émission et cet épisode aussi, c'est que je veux dire quand même, cette pensée individualiste, il faut vraiment la remettre en question, et c'est là le problème, c'est qu'on a tellement endoctriné les gens pour leur dire « Vous êtes les maîtres de votre destin, vous faites ce que vous voulez », Et toutes ces saloperies qui sont déversées tout le temps. Même les gens qui ratent pas les infos, ils me disent oui, mais vous comprenez, si les pauvres en fait ils savent pas se gérer, les pauvres de toute façon ils dépensent mal leur argent, s'ils se plaignent de leur boulot, bah ils ont qu'à changer leur boulot et devenir leur propre patron. Et puis de toute façon, bon bah faut bien des cons, donc bon bah voilà, c'est tombé sur eux, bah tant pis pour eux, c'est pas tombé sur moi, donc ça va, voilà, souvent c'est comme ça d'ailleurs. Mais ouais, c'est là que tu te dis, putain, mais les gens en fait sont complètement déconnectés de ce qui fait la société. Là. Ils sont en fait tombés dans le cas de figure de la société de Margaret Thatcher. C'est-à-dire que la société est une somme d'individualité. Bah on en est là. La vie est devenue une somme d'individualité. Et les gens n'ont pas envie de se faire remettre en question parce que, oulala, tu comprends, moi je suis le maître de ton destin, et si je peux t'écraser avec mon SUV, bah, je le ferai bien volontiers parce que t'as eu l'outrecuidance de te mettre sur mon chemin et t'as voulu me faire perdre à peu près un dixième de seconde, quoi. Ce qui est peut-être important dans Trackmania, mais là, bon, dans la vraie vie, j'ai quand même un petit peu des doutes. Et du coup, on en arrive à des cas de figure où bah, tout s'étiole en fait. Comme chacun est libre de faire à peu près ce qu'il veut, et que les gens d'ailleurs encouragent cela, ben en fait on en arrive à des cas de figure où tout se perd en fait, quoi. Tout ce qui fait le lien de la société, tout ce qui fait même le lien des entreprises d'ailleurs, parce que au final si tout le monde devient un auto-entrepreneur, comment on va faire pour faire une université, comment on va faire pour monter un hôpital, comment on va faire pour monter université, école, comment on va faire pour faire des entreprises où justement il faut qu'on ait plusieurs types d'échelons et qu'on ait une logistique, tout ça, etc. Si en fait tout le monde est libre et tout le monde fait ce qu'il veut, en fait on n'en arrive à rien, quoi. On n'arrive absolument à rien. Alors on n'en est pas là parce que justement ces systèmes sont pétris de contradictions et il faut s'en rendre compte de ces contradictions qui fait que bah, l'individualisme il va jusqu'à un certain point, tu sais. Voilà, c'est un petit peu. Je crois que c'était, j'ai écouté une interview, c'était de Olivier Berruyer, qui est le directeur de, enfin qui gère le blog Les Crises, qui est le directeur du média Elucide, et qui disait le néolibéralisme c'est pour les pauvres, c'est-à-dire c'est nous on s'entre-déchire, et pour les riches c'est le vrai communisme qui fait que l'État est garant des sommes que prêtent les plus puissants, enfin les plus puissants pardon, les plus riches à l'État, hein, parce qu'ils ont des taux bon, ils ont des taux en négatif, bon ça c'est encore c'est autre chose, mais voilà, ils ont des taux garantis pour que justement, pas forcément au niveau de rendement, mais au niveau de l'argent qu'ils mettent sur la table pour qu'ils soient remboursés. Donc c'est là que, ça, quand même, que le système fait quand même doucement rigoler, surtout que bon, la plupart des gens, quand, la plupart du temps quand je parle avec les vrais libéraux, ils te diront, oui mais le président de AliExpress, Jack Ma, il s'est fait tout seul. Oui mais Jeff Bezos, il s'est fait tout seul. Oui mais Elon Musk, il s'est fait tout seul, tout en oubliant que Jack Ma, il a reçu, quand il s'est lancé, il avait quand même un bon pécule de côté. Jeff Bezos, pareil, il a commencé Amazon et on a dû lui filer 100 000 dollars à peu près pour commencer sa petite affaire. Hein, 100 000 dollars, qu'est-ce que c'est? Surtout quand c'était dans les années 90, mais c'est rien. Et Elon Musk, son père était juste gérant en Afrique du Sud d'une mine de diamants et il avait spoilé un petit peu des gens pendant l'apartheid. Mais bon, c'est des gens qui se sont fait eux-mêmes, c'est pas bien grave, il faut y croire parce que. Quand même, avec tes muscles musclés, si t'as de l'envie, comme t'es maître de ton destin, tu vas y arriver. Moi, quand je me dis qu'on tue à petit feu jusqu'au moindre dernier lombric pour ce type de pensée, moi, ça me rend quand même excessivement triste. Mais bon. Écoutez, voilà, j'espère au moins vous avoir mis quelques billes dans la tête, au moins pour vous faire réagir, déjà, minima, c'est ce qui m'intéresse, moi, pour vous faire vous poser les bonnes questions, pour vous dire que. Et moi, je suis arrivé là maintenant. Je me dis que moi, je suis arrivé à un niveau de haine par rapport à la société dans laquelle on vit. Cette société de consommation, moi, ça m'exaspère à un point. Mais le pire, c'est que cette société de consommation, elle est partout. Elle est dans les moindres fragments de notre société. Quand je dis des fois pousse le caddie, il y en a qui pensent vraiment que je le dis pour les mecs, les samedis, qui vont pousser le caddie. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a la surconsommation de biens, il y a la surconsommation de services, il y a la surconsommation de tout. Hein, on va pas aller plus loin, mais même pour le sexe, par exemple, quand on surconsomme les partenaires, c'est de la consommation aussi, parce que justement, on est censé. Bah, alors, jeu de mots de merde, hein, mais on est censé jouir de l'instant présent. Donc, tu comprends, demain, c'est déjà aujourd'hui, et le passé, c'était déjà trop loin, et le futur, encore plus loin. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a loin? Donc ça ne finit jamais, on est toujours dans cette mentalité de la consommation qui est corrélée avec la mentalité individualiste, hein, parce que bah voilà, ça va un petit peu de pair. Et ça, je pense qu'un jour j'y reviendrai dans une autre émission, et moi je trouve ça, mais c'est même plus navrant, moi je sais même plus quoi dire, quoi, simplement. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors pour finir cet épisode, je vais rendre hommage à tous ces animaux que la plupart des gens, ça râle. Je vais pas dire autre chose, hein. Je pense que le dire autrement aurait été un mensonge. La plupart des gens s'en râlent. Moi, ça me fait énormément de peine de les voir disparaître, vu comme on le fait. Quand je vois quelle sauvagerie on va. Avec quelle sauvagerie, on n'est même pas si sauvage que ça, en fait, au final. En fait, c'est pas voulu, en fait. Mais avec quelle sauvagerie on va jusqu'à tuer le moindre lombric, le dernier des lombrics, moi, ça me révulse, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Donc, on va s'écouter du Big Big Train, et c'est une chanson sur Edge Row, donc la haie. Pas Brigitte, hein. Sur une haie avec des animaux, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très à propos pour parler de tous ces animaux. Alors là, j'ai pris le hérisson, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. J'ai voulu éviter, c'est pour ça aussi que je suis revenu, si vous avez vu, je l'ai cité plusieurs fois à la fin de l'émission, sur le lombric et sur les insectes, parce que le problème, c'est que on a tendance à se focaliser, toujours pareil, à se focaliser sur les animaux qui ont des petits yeux vitreux. Hein, le veau, il t'aura ses petits yeux vitreux, le porc, il t'aura ses petits yeux vitreux, la poulette, te regarde, tu vois. Alors que le lombric et le papillon, bon, on sait pas trop, donc en fait, on s'en branle. S'il est petit, on voit pas se trop, donc bon, bah voilà. Et puis bon, voilà, et puis il a pas de lobby, le pauvre hérisson, tu vois, ou le pauvre, je sais pas quoi, il a pas de lobby avec lui. Tu sais, il y a pas de lobby derrière pour te vendre des substituts de viande à base de carottes ou de pois chiches, quoi. Donc, bon, bah, voilà. Du coup, bah, il a rien pour se défendre. Si, quelques gens, un peu, fait encore comme moi. Le problème, moi, voilà, je suis là pour vous alerter. Il y a vraiment des gens qui essaient de faire des choses, mais bon, c'est goutte d'eau, quoi. Donc, écoutez, voilà, donc on se laisse avec cette chanson qui rend hommage à ces animaux, et j'espère qu'ils seront là longtemps pour nos générations futures, parce que toute la poésie de notre monde se cache là-dedans, et ça, c'est peu de le dire. Donc je vous dis à très bientôt dans Flux URSS. Ciao, ciao. We'll be right back. USSR.